give me the calm word is bond, your heart feels stronger. Put it with body good food, feel the soul and mind, feel live longer. Put it in for your body so you never go wrong. Take away the color. Thank you.

Une femme de 18-45 ans, très bisexe pour relation à trois. Pas de pénétration envisagée. Nous recherchons aussi des échanges de cassettes perso ou des soirées avec couple. Contactez-nous. Ça c'est vieux, mais qu'est-ce que c'était bon. Sex Alarm. Juste avant, c'était Delicious Insane avec Free Call Me. Free Call, pardon. Les fruits du désir. Bonne soirée à vous, c'est Ludo qui vous emmène. Souvenir techno des années 90. Ah, c'est autre chose que Joule, hein. Ça, c'est sûr. de Ludo. Coming from Bounty Land. feel bad. Yeah. We're gonna rock the boat. Dans les années 90 avec justement avec Pitbull et Bob Sinclair. Ouais, on était dans les années 2000, mais bon, c'était long le temps. Bonne soirée à vous, c'est Ludo qui vous emmène encore pour plus d'une heure à passer ensemble. Cosmic Gate, Expression of Faith. On va suivre Darude.

de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Take me now, fuck this pussy. D'hier. On doit ripper. Ça arrive. Right here, right now, fuck this pussy just like you should. My clit, my lips, boys and girls jump up and down. Attack! le mix de Ludo. Hey! face. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Inside. de Ludo. Samedi à 21h sur GFM, sur GFM, sur GFM, sur GFM, sur GFM, sur GFM, sur GFM. Trouble your brain. Just

Thank you. Bonne soirée, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Mix de Ludo. Samedi et vendredi, 21h-23h. The Bomb, The Buckethead. Juste avant, c'était Syndicate of Flow, Violent Time. Passez une bonne soirée, une bonne vacance si vous êtes en vacances. Et sinon, ben, si vous êtes au boulot, bon courage. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. celebrate.